La cérémonie de constitution du comité préparatoire pour le 75e anniversaire du général Kim Jong-il a eu lieu à l'Association d'études du kimilsonisme-kim jong-ilisme de Rostov de Russie. Les participants ont adopté un message de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.